Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ah ah, nous revoilà. C'est donc la panique, en direct du Mangin Palace, épisode 31. Bienvenue à toi, dans ce monde archi-loufoque et total foutraque, où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores, orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, le dimanche 9 avril 2006, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es sans frontières, tu es Gypsy King, tu es Voyage en roulotte, tu es Flamenco endiablé, tu es Sainte-Marie de la Mer et tu es aussi... Mais d'où sort-elle cette Esmeralda ? D'Égypte. Elle ose parfois venir danser sur le parvis. J'ai demandé qu'on la chasse, mais vainement, une bien redoutable créature. Oui, tu l'auras compris l'ami, ce matin tu es Tzigane, tu es peuple gitan. Demain s'ouvre pour les chrétiens du monde entier ce qu'on appelle la Semaine Sainte, avec à l'arrivée, dimanche prochain, la résurrection pour le week-end de Pâques. Eh bien, parmi tous ces chrétiens, il existe un peuple qu'on néglige trop souvent, les gitans. Alors, à l'heure où Jésus-Christ, la caravane passe et la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin de t'embarquer dans une jolie roulotte pour te faire découvrir le monde mystérieux des tziganes. Donc, dans l'heure qui vient, nous allons tenter de te raconter une histoire illustrée mais toujours décalée, celle de tes gitans. Pour commencer, de l'Andalousie aux Balkans, il faut retracer l'histoire du peuple tzigane. Ensuite, il faudra essayer de dresser un panorama des grands clichés que véhiculent les sédentaires que nous sommes sur ces populations nomades. On enchaînera sur une interview exclusive du cinéaste Tony Gatliff qui viendra nous parler de ses origines gitanes. Et puis, grâce à la boule de cristal et au tarot de Madame Chiquita, voyante manouche, nous te dévoilerons en secret l'avenir immédiat de nos grands leaders politiques. Et enfin, te raconter les relations complexes entretenues Monique et Jean-Claude avec les gens du voyage qui sont venus s'installer près de chez eux le week-end dernier. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace, alors bien sûr, monte le son et prends le chemin des gitans. like an Egyptian. Walk like an Egyptian. Walk Like an Egyptian, chante les Bangles en 1985. Walk Like an Egyptian, parce que certaines traditions disent que les gitans seraient venus d'Égypte, d'où leur nom, gitan en français, gypsy en anglais et ritano en espagnol. Alors, cette semaine, la panique en direct du Mangin Palace s'intéresse donc aux gitans et plus généralement aux Roms, c'est-à-dire à ce peuple nomade que l'on retrouve partout dans le monde et principalement en Europe. Mais avant toute chose, d'où viennent-ils exactement les tziganes ? Ils viennent du fond des temps, allant et puis revenant. Les tziganes. Ce sont nos parents anciens, les Indo-Européens. Les tziganes. Cheval maigre et chien perdu dans la nuit bleue. Quand je passe, je n'ai pas peur d'eux. Je n'ai pas peur d'eux, et pourtant, le peuple rom a longtemps été victime de rejet. Au fil du temps, toutes les tares leur ont été attribuées et les tziganes connaissent la discrimination et la méfiance. Au micro, Jean Tedjen. Il existe des mots dont le pouvoir évocateur n'est pas douteux. Ainsi en est-il des gitans. Leur légende, si séduisante soit-elle, ne correspond pas nécessairement à leur histoire. En tout cas, ils sont 80 000 en France. 80 000 hommes, femmes et enfants, imprégnés de leur longue tradition et qui ne représentent qu'une partie de ces tziganes que connaissent aussi tant de nations européennes. N'ont-ils pas payé leur tribut à la rage et au racisme démentiel d'Hitler ? Quelle est la vie de ces nomades dont le séjour, le passage, en tout cas la présence, étonne, pour ne pas dire scandalise encore, tant de nos contemporains ? Eh oui, les tziganes étonnent et scandalisent nos contemporains, tout comme ils l'ont bien souvent choqué nos aïeux. Les tziganes ont fait l'objet de méfiance, car dans les sociétés rurales, donc sédentaires, être nomade et ne pas vivre du travail de la terre semblait suspect. Et puis, les Roms ont le teint plus foncé, ils parlent une langue étrange et surtout, leurs origines restent mystérieuses. Enfin, des origines mystérieuses, certains ont bien une explication. Dieu, il s'ennuyait tout seul sur la terre. Alors il décide de créer un homme. Il prend un peu de terre, il fait une poupée, il la met dans le four. Mais voilà qu'il s'endort et qu'il oublie d'éteindre le four. Bah, quand il la retire, la poupée est trop cuite. C'est l'homme noir. Il recommence, il met une autre poupée au four, mais il a tellement peur de la faire trop cuire qu'il la retire trop tôt. C'est l'homme blanc. Il n'est pas content, Dieu, il se mord les doigts. Il recommence, et alors là, il surveille tellement bien la cuisson que l'homme parfait apparaît. C'est le gitan. Bon, c'est une explication comme une autre. Mais en réalité, d'où viennent exactement les gitans ? Le peuple rom est originaire du nord-ouest de l'Inde, qu'il quitte au début du premier millénaire de notre ère. Les Roms se dirigent vers l'ouest et au XIVe siècle, après avoir traversé l'Empire byzantin, ils s'installent au sud du Péloponnèse, en Grèce, dans une région appelée Petite Égypte. C'est sans doute l'origine de leur nom d'Égyptien, de gitan. Les gitans, ce sont les nomades de l'Europe du Sud, de l'Andalousie principalement. Le nom de tzigane, quant à lui, vient de l'assimilation des Roms à une secte manichéenne originaire d'Asie mineure, les Attingani. Ainsi, les Roms sont appelés tziganes en France, zigeuner en Allemagne et zingaro en Italie. Le terme bohémien, lui, vient des lettres de protection accordées par le roi de Bohême à un groupe de voyageurs arrivés aux portes de Paris au XVe siècle. Malgré la protection de grands seigneurs, les Roms subissent rapidement discrimination et persécution. La mise en place de l'État moderne en France pousse à un contrôle strict de la population. Ainsi, la France de la Troisième République met en place pour les gitans un carnet anthropométrique d'identité qui doit être vérifié lors des déplacements. La République des petits propriétaires a du mal à accepter ces citoyens nomades qui ne vont pas à l'école et qui ne reçoivent donc pas la bonne parole des instituteurs. Tu vas pas à l'école ? Je suis un peu malade. Remarque, en te promenant, tu peux apprendre plein de choses si tu regardes bien. Sans la maîtresse? Oui. Mais autre chose. À quelle heure une fleur se réveille? À quelle heure elle s'endort? La longueur d'un fil d'araignée? Tu peux faire un bateau avec une écorce de châtaigne. Une flûte avec un roseau. Une petite lampe avec une écorce d'orange. Avec une pile? Non, avec de l'huile. T'es marchand de lampes? Non. Non. Qu'est-ce que t'es alors? Je suis comme toi. Eh oui, quand on est enfant, on est toujours un peu gitan. L'histoire des gitans au XXe siècle est dramatique. Sous le nazisme, les tziganes, considérés comme des sous-hommes, sont déportés au même titre que les juifs. Entre un quart et la moitié de la population tzigane d'Europe fut exterminée. Près de 300 000 personnes sont dévorées par la barbarie nazie. En ce temps qui va dévorant, on n'a plus le droit d'être différent. Le ciel se fait lourd, les roses se fanent. Nous vivons le temps des derniers tziganes. Les derniers tziganes ont survécu à la barbarie nazie et ont su conserver leur identité. L'identité gitane passe d'ailleurs par la religion. Le plus souvent, les Roms ont adopté la religion majoritaire de la région dans laquelle ils se trouvaient. Ainsi, on trouve des gitans orthodoxes, des gitans musulmans, mais surtout des catholiques, comme à Lourdes, ce 31 août 1958. À vous, Simone Muller. Ici Lourdes, RTF. Aujourd'hui, sous la conduite du Père Fleury, aumônier national, débute le pittoresque pèlerinage des gitans, nomades et tziganes. Déjà, depuis quelques jours, plus de 300 roulottes et caravanes de tout modèle sont rassemblées aux portes de Lourdes dans un camp spécialement aménagé. Comme l'an dernier, mais bien plus nombreux encore que l'année dernière. Ils sont venus de tous les coins de France et même d'Europe, fidèles au rendez-vous près du rocher de Massabielle pour un hommage ardent à la Vierge miraculeuse. Mais pour les gitans, le grand pèlerinage, c'est celui des Saintes-Maries de la Mer qui a lieu les 24 et 25 mai. Les gens du voyage portent alors en procession jusqu'à la mer la statue de leur patronne, Sarah la Noire, Sarah la Cali. Et oui, le pèlerinage des Saintes-Maries de la Mer, c'est près de 10 000 gitans qui se réunissent en Camargue. Et c'est pour qui tout ça? C'est pour toi Seigneur, qu'ils ont pas marché. Et oui, ils l'ont bien mérité, la terre promise, car contrairement aux idées reçues, les tziganes, les gitans, les manouches et tous les roms ont une terre, celle de la route sous les roues de leur caravane et celle de leur campement. Et si aujourd'hui la très grande majorité des tziganes est sédentarisée ou en voie de sédentarisation, les gitans n'en restent pas moins dans l'imaginaire européen un peuple nomade. Et ils sont loin de s'effacer les clichés sur les tziganes. Bonjour l'ignorance. Bonjour ignorance. Je te donne le salut des secrets et des manques, le salut d'une chanson qui parle, et le salut des choses sans importance qui tout ensemble font l'étoffe de l'au-delà des apparences. Les mers immenses du monde. Je te donne le salut de l'amour, un soir dans un café des Olivettes, le salut des flammes de l'ivresse et le souvenir des pierres marines. Chanson qui parle des rythmes de septembre, d'une robe qui danse. Le salut d'une planète foraine avec ses marchés d'ombre, d'un maçon poète, d'une confidence faite à la terre. Bonjour ignorance, c'est ce que chante le groupe Lojo sur un album intitulé Bazar Savant, parce que, il faut bien le dire, un campement de gitans, c'est toujours le boxon. Cela dit, c'est très organisé, un peu justement, comme un bazar savant. Alors, pour continuer notre aventure dans l'univers romanesque de la bohème, après avoir survolé l'histoire du peuple gitan, il est temps maintenant, toujours en direct du Mangin Palace, de nous arrêter quelques minutes sur les grands clichés dont sont victimes les tziganes depuis si longtemps. Qui n'a pas entendu dire qu'un gitan, c'est un voleur de poules, un crasseux et un feignant? Eh oui, la culture villageoise traditionnelle méprise profondément les tziganes. Peut-être parce qu'à l'origine, selon la Bible, il y a eu Caïn et Abel, fils d'Adam et Ève. Explication. Il y a très longtemps donc que Caïn cultivait la terre et Abel, lui, accompagnait les troupeaux. Autrement dit, nous avions déjà un nomade et un sédentaire. Le premier offrit à Dieu les fruits de sa récolte, le second un agneau de son troupeau. Cela dit, Dieu lui-même accorda plus de faveurs à l'offrande d'Abel. Va savoir pourquoi. Mais bon, toujours est-il que Caïn en fut très jaloux et décida alors de tuer son frère. Et voilà comment le nomade devient un homme dont il faut se méfier, puisqu'il a provoqué la colère de son propre frère et surtout le premier homicide sur Terre. Ainsi, pour la société traditionnelle, le gitan a toujours été un suspect. Vous êtes de race bohème, à donner au maléfice, et convaincu de ma commerce avec le diable sous la forme d'une chèvre familière, jointe au procès. Mais pourquoi dire des choses pareilles? Les diables, tu les entends, jolie. Garde! Ne les laissez pas converser ensemble. Si le démon qui possède cette chèvre veut résister à tout exorcisme, nous nous verrons obligés de requérir contre lui le gibet ou le bûcher. Eh oui, au Moyen-Âge, aux yeux de l'Église catholique, même une chèvre qui fréquente les tziganes, elle n'est pas nette. Cela dit, il y a pire que d'être un gitan, c'est d'être une gitane. Parce que là, tu cumules, non seulement tu appartiens à un peuple louche, mais en plus, tu es une femme qui, comme chacun sait, a croqué la pomme. Et oui, les stéréotypes sont tenaces, Carmen, la bohémienne, incarne la fourberie et la femme fatale. Bohémienne aux grands yeux noirs, tes cheveux couleur du soir, et l'éclat de ta peau brune, plus beau qu'un clair de lune. Bohémienne aux grands yeux noirs, je vibrais d'un tendre espoir. Je voudrais que tu sois mienne, bohémienne. Alors, même si la morale bourgeoise a longtemps condamné cette liberté sensuelle et sexuelle de la gitane, il n'empêche qu'elle a provoqué chez les hommes les fantasmes les plus tenaces. Cochon. Et de la même manière, les mystères qui entourent soi-disant le monde des tziganes a longtemps fait croire à certains que le gitan possédait des pouvoirs ésotériques. N'importe quoi. Dis-moi, gitan, ce que tu vois, si mon destin se tend vers toi. Je veux savoir ce que demain a déjà tracé dans ma main. Mais bon, rassure-toi, désormais tous ces clichés pourris sur les gitans appartiennent heureusement au passé. Aujourd'hui, par exemple, quand les gens du voyage se pointent dans un village, tout le monde se réjouit. France Inter. Partons maintenant pour la zone industrielle de Ville-la-Grande. C'est en Haute-Savoie, où un groupe d'une cinquantaine de nomades est toujours retenu, prisonnier en quelque sorte par le maire, qui a fait obstruer les issues de l'endroit où il se trouve par des buttes de terre. Et cela parce que les gens du voyage ont refusé une première fois de quitter les lieux. Puisque c'est comme ça, dit le maire, vous ne pourrez plus en sortir. On en est là, c'est à la fois une situation particulière par la forme plutôt violente qu'elle revêt, mais ce genre de conflit entre nomades et municipalités est plutôt fréquent. Le reportage de Jacques Prévost. Depuis samedi, une quinzaine de caravanes barre l'horizon. Des Roms, en route pour le sud de la France, s'est coincé là dans ce bout de chantier en cours par deux blocs de terre déposés par la volonté d'un maire. 50 personnes prises au piège et sédentarisées de force, des femmes, des enfants, des vieillards qui ne s'expliquent pas que la mairie ait choisi la manière forte pour les dissuader de s'installer sur ce terrain vague. Déméter, à 73 ans, c'est le patriarche du groupe. Il n'y a pas d'autre place. J'ai 73 ans, juste qu'on a souffert assez dans les camps. On a vu de la famille qu'ils ont brûlé et tout. Je crois qu'on a souffert assez. Et puis nous sommes des Français quand même. Et oui, il ne faut jamais oublier que les gitans de France sont français et qu'en toute logique, ils bénéficient également des mêmes droits que les autres citoyens, comme la présomption d'innocence par exemple. Et là encore, heureusement pour les tziganes, les mentalités ont bien changé. Un neuf ! On m'a volé un neuf ! Chacun sait que les tziganes sont des voleurs de poules. C'est la faute aux gitans, la rumeur enflée roule. On a volé un œuf, le commissaire pensif. Et seul l'œuf ou la poule rumine le pensif. Passe la caravane, les chiens aboient. Gardez-vous du courroux des villageois. Et en effet, aujourd'hui encore, pour les tziganes, il faut se garder du courroux des villageois, car en réalité, rien n'a changé. Les clichés sont séculaires et ils ont la peau dure. Le gitan fait peur, le gitan est un voleur de poules et un cracheur de feu. Et pourtant, c'est toujours pareil. Si tu t'approches un peu, tu remarques bien que... Toi, ta famille, tes chiens, tes mômes, tes cousins, tes frangins, tes poules, c'est comme une grande bouffée d'ozone quand ça déboule. Salut le gitan, salut le manouche, tu te souviens de moi? Tu m'avais filé ton canif, toi tu le prends toujours pour cartouche, moi j'ai toujours pas mon certif. Alors maintenant, arrivé à mi-parcours de cette émission consacrée aux tziganes, nous avons décidé, pour enrichir notre regard, de donner la parole à un authentique gitan, le cinéaste Tony Gatliff, que nous avons joint cette semaine au téléphone. Pour commencer, nous lui avons tout simplement demandé ce que signifiait exactement pour lui être un gitan. Réponse, juste après le jingle. Bah, c'est-à-dire, moi, je suis d'origine gitane par ma mère. C'est ma mère qui m'a élevé à sa façon, quoi. Il n'y a pas de... Être élevé à la gitane, c'est plutôt être libre. Parce que les enfants gitans sont très respectés par leurs parents. C'est les trésors de la famille, normalement. Et, c'est-à-dire, liberté, ça veut dire que la famille vous laisse faire ce que vous voulez. Évidemment qu'il y a une limite, hein, que l'enfant sait. Mais en même temps, jamais il est frappé, jamais il est humilié, jamais... C'est quand il y a les grands qui discutent, il est là, il n'est pas sorti pour ne pas assister à la discussion. Et ça, tous les gens qui ont fréquenté les gitans le savent. C'est quand vous rentrez dans une maison gitane, et les enfants, tous les enfants arrivent, et ils se mettent aussi dans, même si c'est une petite pièce, et ils ne sont pas chassés par les grands. Ils les laissent. Mmh. Et ça, c'est formidable. Et quand on est gitan, est-ce qu'on a le sentiment constant d'être en exil? Il n'y a pas d'endroit qui est le vôtre. Même si vous avez une maison, même si vous avez un petit terrain, ils ne se sentent pas chez eux. Il n'y a absolument aucune racine. Mais la seule racine qu'il y a, c'est la culture et les traditions. C'est la seule chose dont ils s'accrochent. D'ailleurs, ils s'accrochent très fort à ça. Donc finalement, quelque part, on peut dire que c'est un peuple comme tous les autres. Leurs racines se définissent dans leur culture. Mais dites-moi, Tony Gatliff, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous agace le plus dans le rapport qu'entretiennent les sédentaires aux tziganes? C'est le préjugé. Et c'est ce préjugé qui date depuis, rendez compte, depuis le Moyen-Âge. Et depuis le Moyen-Âge, on retrouve les mêmes choses. Quand les premiers gitans sont arrivés en Europe, on disait, voilà les sauvages qui arrivent, les noirs, parce qu'il n'y avait pas de noirs. Personne n'était noir en Europe à ce moment-là. Même les Turcs, quand ils venaient, ils étaient blancs. Ce n'étaient pas noirs, les Turcs. Et donc, quand les gitans sont arrivés, les gitans, c'est un peuple qui vit dehors. Donc, ils étaient toujours en contact avec la lumière, le soleil, le vent. Donc, forcément, ils étaient noirs aussi. Par oui. Leur origine de l'Inde, ils étaient encore plus noirs. Parce qu'ils étaient dehors. Donc quand ils devaient les voir pour la première fois en France, quand ils sont arrivés en France pour la première fois, parce qu'il y avait bien une première fois où ils sont arrivés, donc il y a des témoins qui disent, il y a un témoin qui raconte où ils les avaient vus la première fois à Paris, mais ils devaient halluciner les gens de voir des gens comme ça, noirs, tout ça. Et donc ils disaient, c'est des diables, parce que pour eux, tout ce qui était noir, tout ce qui était différent, c'était des diables, des sorciers, oui, bien sûr. Des corbeaux, ils n'avaient pas les corbeaux, ils n'avaient pas les chats noirs, les corbeaux, ils n'avaient pas tout ça. Donc forcément que les gitans, c'était, ils symbolisaient ça pour eux. De cette impression-là du Moyen-Âge, eh ben, aujourd'hui, il y a des gens qui la sortent toujours. C'est quand même incroyable. C'était Tony Gatliff pour La panique au Mangin Palace. Oh Mandy, chanson interprétée par le groupe Spinto Band sur un album intitulé Nice and Nicely Done. Joli et joliment fait parce qu'un panier en osier, tressé par une gitane, c'est joli et joliment fait. Qui qu'en veut ? Alors, pour poursuivre notre balade en roulotte sur les routes mystérieuses du monde des gitans, il est temps désormais, à 11h32, de nous intéresser à une étrange histoire tenue secrète et digne des plus grandes légendes tziganes. Allez, assieds-toi près du feu de camp et écoute ce que je vais te raconter. À la fin des années 70, président Chirac, qui, à l'époque, n'était que maire de Paris, s'impatientait de connaître son destin, son avenir politique. C'est alors qu'il décida d'aller consulter une gitane, Madame Chiquita, voyante et diseuse de bonne aventure à la foire du trône. Coupez, s'il vous plaît. Et tirez quatre cartes. Dans la roulotte de Madame Chiquita, président Chirac tira donc quatre cartes de tarot pour découvrir son avenir. Ce jour-là, la ténébreuse gitane lui révéla trois secrets. Le premier, c'est qu'un jour, en effet, il serait président de la République. Le deuxième, c'est qu'il serait également le grand spécialiste de la cohabitation. Et enfin, le troisième secret, président Chirac ne l'a jamais révélé à personne, tel Jean-Paul II face aux révélations de Fatima. Ce respect du silence, depuis bientôt 30 ans, les gitans ont su l'apprécier. Et d'ailleurs, du coup, pour eux, pour les tziganes, président Chirac fait partie des leurs. Il a rire de voyous dans le fond des yeux, ses amis, il a le cœur au bord des coups. Le gitan, un peu renard, un peu loup, il sort le jour ou bien la nuit, ce qu'on dit de lui, il s'en fout. Le gitan, que tu ne connais pas. Cela dit, ce troisième secret bien gardé par président Chirac commence à en exaspérer plus d'un dans la classe politique française. Et ces derniers jours, face à la grise gouvernementale, Dominique de Villepin est revenu à la charge sur cette fameuse gitane et son secret. Mais qui est donc Madame Chiquita ? Président Chirac lui a répondu que... Très intrigué par Madame Chiquita, cette diseuse de bonne aventure, Dominique de Villepin a fini par la retrouver et l'a fait venir à Matignon mardi dernier. Dominique avait le secret espoir que cette gitane lui révélerait à lui aussi quelques prévisions. Coupez, s'il vous plaît, et tirez quatre cartes. Après la séance de tarot, Dominique s'empressa de rejoindre l'Élysée pour annoncer à président Chirac la décision qu'il venait de prendre suite aux prédictions de Madame Chiquita. Je suis venu te dire que je m'en vais, et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme d'ici bien Verlaine au vent mauvais, je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Tu suffoques, tu blémis la présence qu'a sonné l'heure. Des adieux à jamais, je suis au regret te dire que je m'en vais, car tu m'en as trop fait. Président Chirac s'est dit alors que la gitane avait sans doute dû révéler à Dominique le contenu du troisième secret révélé dans les 70s. Au même moment, alerté de la présence de la gitane dans les parages, Nicolas Sarkozy s'empressa à son tour de la convoquer au siège de l'UMP. Coupez, s'il vous plaît, et tirez quatre cartes. Une fois la séance terminée, les ténors de l'UMP foncèrent demander à Nicolas si Madame Chiquita lui avait dit à quel moment exactement il serait élu président de la République. Nicolas, totalement effondré, leur a répondu que, selon la gitane, ce serait... Jamais, oh non, jamais. Cela dit, à l'opposé, Madame Chiquita a tout de même annoncé à Nicolas que désormais son avenir sentimental serait radieux. Et c'est ainsi que Nicolas a immédiatement téléphoné à Cécilia pour se consoler et lui annoncer que, selon la gitane, laisse une chance à notre amour. Dans le courant de la même journée, mis au courant lui aussi de la présence de cette fameuse gitane à Paris, Lionel Jospin se débrouilla à son tour pour la faire venir. La séance de tarot eut lieu dans son bureau. Coupez, s'il vous plaît. Et tirez quatre cartes. Présent dans le salon juste à côté, François Hollande, fidèle lieutenant, exigea alors de Jospin qu'il lui dise quel avenir Madame Chiquita lui avait prévu. Lionel lui répondit que, selon la gitane, son avenir, ce serait... Une île entre le ciel et l'eau. Sans homme ni bateau, inculte, un peu comme une insulte, sauvage, sans espoir de voyage, une île, entre le ciel et l'eau. Furax de cette révélation, François décida qu'il fallait que Ségolène Royal rencontre cette gitane pour que les socialistes en aient le cœur net. Sera-t-elle, oui ou non, la candidate de la gauche? Ségolène accepta volontiers, mais la députée du Poitou fut directe. Lis-moi dans la main, cigane, dis-moi quel est mon destin. Richesse, honneur, amour, bonheur, tous les rêves de mon cœur. Lis-moi dans la main, cigane, surtout ne me tâche. De toi ce soir, je veux savoir si je dois garder l'espoir. Mais face à tant d'empressement, la gitane déclara à Dame Royale que ni la boule de cristal ni le tarot ne semblaient pour l'instant pouvoir révéler quelque chose de clair sur son avenir politique. Quoi qu'il en soit, pour Madame Chiquita, il y a une certitude. Pour François Hollande, ça va être compliqué. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Je me voyais déjà cherchant dans ma liste celle qui le soir pourrait par faveur se prendre à mon cou. De son côté, président Chirac s'est alors rendu compte que tout Paris avait consumé sa gitane. C'est alors qu'il décida à son tour de la revoir une dernière fois après 30 ans de séparation. Quand il grimpa dans la roulotte de Madame Chiquita, en apercevant sa belle gitane, président Chirac fut très ému. Je n'ai pas changé, je suis toujours ce jeune homme étranger qui t'a chanté des romances, qui t'inventait des dimanches, qui te faisait voyager. Et toi non plus, tu n'as pas changé. J'avais envie de te protéger, de te garder, de t'appartenir. J'avais envie de te revenir. Après ces quelques minutes de douces retrouvailles, Madame Chiquita confirma le contenu de son troisième secret. Jamais tu ne devras faire des réformes dont les initiales seraient CPE. Président Chirac se dit qu'il aurait dû écouter sa gitane. Mais bon, après quelques joyeux souvenirs échangés, président Chirac se dit qu'entre toute autre chose, il aurait sans doute dû faire une pause. J'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu de tout en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées. Ouh, ouh, ouh. J'avais perdu l'habitude. Gérald de Palmas est sur la route en 1995. Sur la route parce que si la route est loin d'être le quotidien, ça reste un élément majeur de la culture gitane. Alors, pour poursuivre notre voyage aux côtés des gitans, il est temps maintenant, à 11h44, de retrouver nos deux héros en roulotte et en roue libre, les nomades Monique et Jean-Claude. Cette semaine, Monique et Jean-Claude ont vécu une histoire incroyable en compagnie des gitans. Tout a commencé mercredi dernier. Jean-Claude était en train d'annuler ses vacances en Italie, après avoir assisté à la défaite de l'Olympique Lyonnais face au Milan, quand Monique s'est approchée de lui. Monique lui a demandé s'il appréciait la culture tzigane. Persuadé qu'elle allait lui offrir le dernier CD des Gypsy Kings dont il est fan, Jean-Claude a alors déclaré que ce qu'il préfère au monde, c'est... chanter comme un tzigane dans les flammes d'un grand feu qui nous entraîne. Danser comme un tzigane, que tu lises dans mes yeux combien je t'aime. Monique interrompt très vite Jean-Claude. Elle lui a demandé s'il appréciait la culture tzigane parce que, justement, une vingtaine de caravanes viennent de s'installer sur le terrain vague derrière la maison. Jean-Claude change alors de couleur et de chanson. Il se précipite pour barricader portes et fenêtres. Jean-Claude explique à Monique qu'avec les gitans à côté, c'est sûr, ils vont se faire cambrioler et que lui, Jean-Claude, ne veut pas vivre... dans la maison vide, dans la chambre vide, je passe les nuits à regarder les oiseaux qui passent comme des menaces. J'entends le dommage, je n'attends personne. Jean-Claude est donc en train de barricader les fenêtres quand soudain... Jean-Claude, méfiant, ouvre la porte et se retrouve nez à nez avec quatre gitans venus du campement voisin. Jean-Claude décide qu'il vaut mieux paraître courageux et interroge donc les quatre visiteurs. D'où viens-tu, gitan ? Je viens de Bohême. D'où viens-tu, gitan ? Je viens d'Italie. Et toi, ô gitan, de l'Andalousie ? Et toi, vieux gitan, d'où viens-tu ? Je viens d'un pays qui n'existe plus. Les quatre gitans ont sonné chez Monique et Jean-Claude simplement pour se présenter et leur indiquer qu'ils ne passeront qu'une nuit sur ce terrain avant de repartir vers le sud de la France, vers les Saintes-Maries-de-la-Mer. Jean-Claude, toujours méfiant, les remercie et retourne rapidement renforcer les volets quand, soudain, il est à nouveau dérangé. Un peu énervé, Jean-Claude ouvre la porte et, sur le perron, se trouve un jeune gitan. Jean-Claude, suspicieux, lui demande ce qu'il veut. Le jeune gitan est venu lui vendre de l'artisanat tzigane. Moi, je construis des marionnettes avec... de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Je vais vous les présenter. Non, jeune homme, tu me présentes rien du tout et tu rentres chez toi. Quand, pour la troisième fois, la sonnerie retentit. Jean-Claude décide de ne pas se déplacer. C'est sûr, c'est encore un gitan, il y en a marre. Alors Monique, elle, va ouvrir la porte. Le temps passe et Jean-Claude se demande ce que Monique peut bien raconter aux visiteurs tziganes. Il s'approche alors doucement et entend la conversation. Que fais-tu ce soir après dîner ? Moi je t'attendrai jusqu'à 10h et peut-être une heure encore. Réponds-moi, serai-je avec toi ce soir ? Jean-Claude attend tranquillement que le gitan s'en aille, se rue sur Monique et lui fait une scène de tous les diables. Mais c'est quoi ce rendez-vous et puis c'est qui ce type ? Monique, ça l'énerve tellement de voir Jean-Claude dans cet état qu'elle quitte la maison, elle se dirige droit vers le campement gitan. Jean-Claude est fou de rage et décide de la suivre. Jean-Claude est maintenant au cœur du camp des Gitans. Il cherche Monique, il rencontre alors une jeune femme et lui demande si elle n'a pas vu une étrangère. La jeune femme prend alors la main de Jean-Claude et lui regarde la paume. Jean-Claude y voit une invitation et ose lui aussi un geste tendre et quelques mots doux. Dans ta famille, on aime les orages, les flamants roses et les chevaux sauvages, éparpillés, ensoleillés, ensorcelés comme le sont tous les gens du voyage. Méditerranéenne, mais qu'est-ce que tu es belle, au sein de Paris que j'aime, il y a danger pour l'étranger. Comment ça, il y a danger pour l'étranger ? Jean-Claude se rend compte alors qu'il est entouré d'une dizaine de gitans qui ne semblent pas apprécier la présence d'un gadjo parmi eux. Jean-Claude, il n'a rien fait de mal et il tente de s'expliquer. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitan. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame ? Et celui qui lui jettera la première pierre, celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Ô Lucifer, ô laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts sous sa robe de gitan. Mais les gitans ne l'entendent pas ainsi et s'approchent dangereusement. Jean-Claude s'enfuit et réussit à se cacher derrière une caravane. Alors que les gitans le cherchent partout dans le camp, Jean-Claude, terré derrière sa roulotte, entend à l'intérieur de la caravane la voix de Monique et du gitan avec qui elle est partie. Il sait enfin pourquoi Monique voulait venir dans le camp. Petit cours de guitare sommaire, les deux accords. En guitare sommaire, nous avons deux accords. C'est beaucoup, ce n'est pas trop. Pour effectuer ces deux accords, nous avons une main gauche avec un pouce qui ne compte pas. Et un index. Avec l'index, nous viendrons appuyer sur les cordes à proximité, c'est-à-dire pas trop loin, soit sur cette corde-ci que nous appellerons donc la corde-ci, soit sur cette corde-là que nous appellerons donc la corde-mi. C'est facile, mais il ne faut pas toucher corde à côté. Jean-Claude est rassuré. Le mystérieux rendez-vous de Monique avec son gitan, c'était un cours de guitare. Jean-Claude est soulagé. Mais pour peu de temps, les gitans viennent de retrouver sa cachette. Il est pris au piège, il ne peut pas s'enfuir. Les gitans, le regard noir, s'approchent quand, soudain, la porte de la caravane s'ouvre. C'est Monique qui, telle Esmeralda sur le parvis de Notre-Dame, donne une belle leçon de choses à Jean-Claude. L'amour est enfant de Bohème. Il n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde de toi. Si tu Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais si je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi. Jean-Claude a bien compris le message. Dorénavant, il va prendre garde de ne pas se laisser aller à ses préjugés. Fin de l'histoire. Monique et Jean-Claude ont passé toute la nuit à danser le flamenco avec les gitans autour du feu de camp. Et si tout se passe bien, le groupe de gitans, l'année prochaine, ben, il revient. Il revient l'heure de mes souvenirs. Il me tient, il me fait souffrir durant. Il revient pour me parler de toi. Il se plaint, n'entends-tu pas sa voix? Waouh, waouh, waouh, waouh, waouh. Il revient, il dit que j'ai eu tort. Il me tient un peu comme un roman. Cet air obsédant à tout jamais nous lie. Il se plaint, le voilà qui supplie. Waouh, waouh, waouh, waouh, waouh. Il me crie sans fin, pourquoi m'as-tu quitté? Il se plaint sur un air de regret. Waouh, waouh, waouh, waouh, waouh. Waouh. empêchant de dormir. Je t'ai dit adieu croyant trouver l'oubli. On revient, c'est moi qui t'en supplie. Waouh, waouh, waouh, waouh. Il revient, c'est ce que croit Sylvie Vartan en 1962, parce que tu le veuilles ou non, c'est comme ça, le gitan, il revient régulièrement près de chez toi. Nous voici donc arrivés au terme de notre voyage en roulotte sur la route mystérieuse du peuple rom. Des gitans d'Andalousie aux tziganes de Bohème, des caravanes aux boules de cristal et de Sainte-Marie de la Mer à la leçon de guitare sommaire de Monique, nous t'avons dressé un panorama subjectif de ce que peuvent être les gitans. Alors, c'est quoi les gitans? Eh bien, avant tout, c'est à l'origine un peuple nomade, les Roms, qui s'est dispersé un peu partout en Europe et en partie en Amérique. Aujourd'hui, on estime qu'il y a environ entre 8 et 10 millions de gitans dans le monde. En France, ils sont à peu près 300 000, mais ils ne forment pas un groupe homogène. La situation des gens du voyage est très diverse. Par exemple, il y a les gitans de Provence, qui sont restés nomades, il y a les forains, qui sillonnent la France, et puis il y a aussi les manouches d'Alsace, sédentarisés ou en voie de l'être. Mais bon, quoi qu'il en soit, ils ont tous un point commun. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Alors, pour élargir notre regard sur le monde des gitans et surtout pour lutter contre les préjugés, la panique au Mangin Palace s'est amusée à imaginer un nouveau jeu de télé-réalité, à savoir « Vis ma vie » de Gitan. Pour commencer, si tu es candidat, tu devras vivre dans une caravane. Jusque-là, rien de compliqué, si ce n'est que l'autoradio ne passe que les Gypsy Kings en boucle, Joby Joba. Pour installer ton campement, il faudra que tu te pointes chez Monsieur le maire pour avoir un terrain. Il faudra donc négocier des heures avec lui pour obtenir finalement le terrain vague derrière la décharge publique. Et oui, dans « Vis ma vie » de Gitan, comme bien souvent dans la réalité, la loi Besson, elle n'existe pas. Ensuite, une fois installée, la production ira dérober plusieurs poules dans les fermes voisines et bien sûr fera courir le bruit que c'est toi, le voleur. Il faudra dès lors vivre sous les sarcasmes et les jets de pierre des villageois. Du coup, il faudra s'habituer aussi très vite à l'eau du lavoir parce qu'en représailles de ces vols, la mairie coupera l'eau courante. Et puis dans « Vis ma vie » de Gitan, si tu veux te détendre dans la caravane en regardant la télé, pour connaître le programme, fini Télé 7 jours, il te faudra lire dans les tarots. Et enfin, les grasses matinées, c'est terminé. C'est debout 6 heures avec l'arrivée de la marée chaussée, tes nouveaux amis donc. Et pour éviter qu'ils ne t'embarquent, il va falloir, comment dire, être persuasif. On est tous un peu bohèmes, on est tous un peu poètes, on vit tous un peu de rêve et on a tous au fond du cœur un amour et des je t'aime, une chanson. Sans bouger, fait du yoga sur son divan. Le percepteur, vu farceur, l'air moqueur, renvoie nos chèques en s'excusant. La dactylo en stylo, sol, sido, écrit des chansons dans le vent. Et le chasseur allongé dans les prés, écoute un oiseau siffloter. On est tous un peu bohèmes, on est tous un peu. C'est Annie Cordy, pour qui nous sommes tous un peu gitans. Voilà, fin du 31e épisode, c'était « C'est quoi être gitan ?» revu et corrigé par la bande de Furieux